16-18, observation, permission et possibilité, pouvoir. Est-ce que je peux vous accompagner? Oui, bien sûr, vous pouvez. Je vous permets. Tu peux travailler, toi, avec ce bruit? Non, ce n'est pas possible.